Quelle place joue le lit dans le libertinage? Le lit défait, le lit refait, le lit que l'on enjambe et sur lequel on ne se couche pas. Comment dévêtir le corps par les mots et sans toucher les draps? Les libertins ont plus d'un tour dans leur couche. Lorsque sur ton lit, à mon aise, catin, ton téton droit, je baise, tu me dis « Oh, cher favori, c'est le téton de mon mari. Celui qui s'enfle au côté gauche, c'est pour toi seul qui me débauche. Ton partage est bien le meilleur, puisque c'est le côté du cœur. » Bonjour Florence Lautry. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature du XVIIIe siècle à l'Université de Paris. Vos travaux sont orientés vers les questions de genre et de représentation des sexualités. Vous étiez déjà venue à ce micro il y a de nombreuses années maintenant nous parler de libertinage et l'utilisation du langage dans le cadre du libertinage. On commence par une question qui est peut-être un piège, je ne veux pas que vous l'entendiez ainsi, mais ça m'intéresse parce que vous êtes tellement spécialiste de ces textes-là. Est-ce que vous avez reconnu celui qu'on a entendu? Non. C'est 5 lignes. Hein. Alors, c'est même pas un libertin, je crois. Guillaume Coltet, qui est un poète et essayiste du XVIIe, qui appartient au groupe littéraire des Illustres Bergers, l'un des premiers membres de l'Académie française. Et ce texte en référence au téton que l'on prend pour celui de sa femme alors que c'est celui de son mari, c'est la chanteuse Colette qui lit ses vers. Ah, Colette Renard. Bien sûr. Ces quelques vers, ces quelques lignes, pour vous poser la question de la délimitation des libertins. Quand on parle des libertins, il ne suffit pas de parler de sexualité sur un lit pour appartenir au libertinage. Non, bien sûr, il y a même des textes dans lesquels, de toute façon, il n'y a pas de lit. Hein, mais là, vous me posez une question qui pourrait nous emmener assez loin, puisque c'est encore en débat parmi les spécialistes. Ah oui. La question de savoir s'il y a un genre libertin et quels en sont les bornages chronologiques, c'est quelque chose qui n'est pas tranché, à dire vrai. Donc on peut trouver du libertinage, et puis un certain nombre de codes de récit peut-être, et puis d'accessoires, de scénarios narratifs avant le XVIIIe siècle, bien sûr. Dans les textes dont il va être question aujourd'hui, il y a pas mal d'intertextes qui sortent de l'Antiquité, mais aussi du XVIIe siècle. Il y a des rapports avec certains romans du type roman comique du XVIIe, donc on peut effectivement adopter un point de vue large sur la question et ne pas réserver au seul XVIIIe siècle, ce qu'il a pourtant largement quand même contribué à structurer comme, sinon un genre, du moins un type de récit bien codifié, si vous voulez. Et encore faudrait-il faire le départ entre les textes dont la langue est gazé, et ceux qui sont en contexte érotico-pornographique, et on avait déjà parlé de ça, en effet, comme vous dites, il y a déjà de longues années. Mais quand on dit libertin, on ne pense pas forcément à des textes libertins. Les libertins sont aussi un certain type de personnes qui, fin XVIIe et au XVIIIe siècle, adoptent une certaine attitude dans la société, ceux qui tournent le dos au ciel, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment, là, vous faites référence à la définition philosophique du libertinage. Alors, celle-ci, évidemment, nous reconduit au XVIIe siècle. Et bien sûr, le libertin peut être athée. Il est libre penseur, quoi qu'il en soit. Il adopte une position, généralement, disons, naturaliste devant le monde. Et puis, c'est celui qui s'affranchit d'un certain nombre de règles. Donc, on peut revenir même à l'étymologie. C'est quelque chose qui a été souvent fait, le libertinus, l'affranchi, en fait, l'homme libre affranchi, qui renvoie à la fois à des conduites sexuelles, mais peut-être au-delà des conduites sexuelles, à ce qu'elles peuvent porter de contestations philosophiques en elles-mêmes. Ce qu'on fait de son corps. Mais au sens étymologique du terme, c'est l'esclave affranchi. Ah oui, dans bien sûr. Bien sûr, l'esclave affranchi et l'esclave des préjugés aussi. Donc on peut déplacer la question du côté de la tête et faire du libertin, ce que Sade fera de la manière la plus exemplaire et la plus extrême qui soit, rapporter la radicalité sexuelle à une radicalité philosophique et réciproquement, bien sûr. On philosophe aussi avec son corps. Mmh. C'est d'ailleurs toute la question de savoir ce qui, dans l'utilisation du corps, dans les textes libertins, ne relève pas uniquement d'une forme d'illustration de concept ou de théorie, parce que certains textes dits libertins peuvent paraître paradoxalement assez désincarnés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des textes libertins dans lesquels l'exercice de la langue et l'exploit tel qu'il peut se dire est sans doute plus important que la question proprement philosophique qu'elle pourrait porter. Alors un point avant de commencer à écouter des textes, de nombreux textes vont nous accompagner ce matin, des textes magnifiques, et je me réjouis qu'on les entende ensemble. Comment fait-on pour travailler sur ces textes libertins, sur le contexte du libertinage, sur les questions de genre et de représentation de sexualité dans la littérature du XVIIIe siècle, dans un contexte celui d'aujourd'hui, Florence Lautry, dans un contexte post-MeToo, dans un contexte où les codes de la sexualité, les codes des genres sont en train de changer radicalement? Eh bien, ça devient difficile. Même pour moi qui dois les enseigner, ça me devient plus difficile de les lire. Et comme je vous le disais en off tout à l'heure, relire La Nuit et le Moment, relire certains passages, certains récits de Crébillon, voilà, c'est pas si simple. Et de fait, on est confronté à des demandes des étudiants, des demandes d'éclaircissement. Dans le contexte de la réflexion sur le consentement en particulier, et des bornes du oui et du non, qui sont tellement prises dans un raffinement de langue et de stratégie d'affrontement discursive dans un contexte aristocratique où on ne sait pas trop ce qui est du registre d'une séduction déjà codée par un consentement en amont. Et ce qui est de la violence inscrite dans des textes qui aujourd'hui, dans la réception, vraiment se sédimente avec d'autres textes et avec d'autres représentations de manière que ça devient difficile de les aborder sans ça. On a du mal à faire le partage sur ce qu'on peut en dire, de fait. Et je dois dire qu'en relisant les textes, j'ai aussi relu un certain nombre de critiques. Et il y a toute une part de la critique pour laquelle cette question n'est toujours pas une question, mais longtemps, c'est le consentement. Bien sûr, longtemps elle l'a pas été. C'est-à-dire que le libertinage c'est une question d'esthétique, et donc dans ce cadre esthétique, on s'intéresse bien sûr à l'élégance de la prise de la séduction, au jeu de la gradation. On est dans une sorte de chorégraphie complètement étudiée, où les partenaires sont parfaitement d'accord, et où finalement la question du consentement, c'est juste ce petit point de passage sur les règles de la bienséance dont le libertin aurait la politesse de laisser celle qui doit consentir sans que les règles de la pudeur soient complètement violées, de laisser donc à la femme, disons, cette liberté de dire qu'elle n'a pas cédé et qu'elle a été prise, mais d'une manière telle que la bienséance n'est pas engagée. Voilà. C'est une affaire de bienséance. C'est d'abord une affaire de bienséance et c'est d'abord une affaire de code de la pudeur. Jusqu'où est-ce qu'on peut conduire une femme sans que ces règles-là puissent paraître totalement violées? Or, quand on lit de près les textes, ces règles-là, elles sont violées aussi, de fait. Hein, et il arrive même au narrateur masculin lui-même de le reconnaître. Hein, Crébillon, c'est un as pour ça. C'est quelqu'un qui joue beaucoup dans les récits de séduction du « ou bien, ou bien ». Il y a toujours une alternative chez le narrateur. Ou bien elle voulait vraiment, ou bien, bon, peut-être qu'elle ne voulait pas. Mais dans le doute, comme j'ai réussi à avancer, je vais plutôt choisir la version où elle voulait. On va entendre un extrait, Crébillon fils, un texte de 1755 qui s'appelle « La nuit et le moment ». Vous allez entendre une sorte de plaidoyer en faveur du libertinage prononcé par Clitandre, ici interprété par Francis Huster. C'est un plaidoyer pour le libertinage, c'est-à-dire contre le mythe de l'amour, et dans lequel il va insister sur la supériorité du goût et du désir. Faites très attention à la langue et puis vous nous aiderez à le comprendre ensuite, Florence Lautry. Jamais les femmes n'ont eu moins de grimaces dans la société, jamais l'on a moins affecté la vertu. On se plaît, on se prend. S'ennuie-t-on l'un avec l'autre, on se quitte avec tout aussi peu de cérémonie que l'on s'est pris. Revient-on à se plaire, on se reprend. Avec autant de vivacité que si c'était la première fois qu'on s'engagea. On se quitte encore et jamais on ne se brouille. Il est vrai que l'amour n'est entré pour rien dans tout cela. L'amour, mais qu'était-il? Qu'un désir, un mouvement des sens dont il avait plu à la vanité des hommes de faire une vertu. Non, on sait aujourd'hui que le goût seul existe. Et si l'on se dit encore qu'on s'aime, c'est bien moins parce qu'on le croit que parce que c'est une façon plus polie de se demander réciproquement ce dont on sent qu'on a besoin. Comme on s'est pris sans s'aimer, on se quitte sans se haïr. Et l'on retire du moins du faible goût que l'on s'est mutuellement inspiré. L'avantage d'être toujours prêt à s'obliger. Ah, si d'Alice. L'inconstance d'un amant accable-t-elle une femme? À peine lui laisse-t-on le temps de la sentir. Des raisons de bienséance ou d'intérêt ne lui permettent-elles pas de quitter un amant ennuyeux ou qui a cessé de paraître aimable? Tous ses amis se relaient pour l'étourdir sur le malheur de sa situation. Lui prend-il un caprice? Dans la minute, il est satisfait. Sommes-nous dans tous les cas dont je viens de faire l'énumération? Nous trouvons les mêmes ressources dans la reconnaissance des femmes avec qui nous avons un peu intimement vécu. Oui. Mais je crois, à tout prendre, qu'il y a bien de la sagesse à sacrifier à tant de plaisir quelques vieux préjugés qui rapportent assez peu d'estime, mais beaucoup d'ennui à ceux qui en font encore la règle de leur conduite. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Disons-le tout de suite, Florence Lautry, du lit, dans les textes libertins qu'on va entendre aujourd'hui, il n'est pas toujours question, ou quand il en est question, celui-ci est souvent annexe, un accessoire, tantôt de séduction, tantôt de repoussoir. Dans La nuit et le moment, en revanche, le lit est au centre et c'est au lit que la pièce, que le texte se passe et qu'il va se terminer. Oui, oui, tout à fait. Vous venez de dire la pièce, d'ailleurs, oui, parce que là, en fait, c'était une adaptation théâtrale. Voilà. Mais... Et vous êtes évidemment aussi sensible à la théâtralité même du texte, qui n'est pas une pièce de théâtre, hein, mais où le lit est un accessoire scénique, parce que la question de l'espace à conquérir est absolument capitale. On vient d'entendre un texte dans lequel Clitande fait des efforts rhétoriques pour accéder physiquement au lit. Il n'y est pas encore. Hein, donc il faut y arriver, il faut y arriver en tenant, vous l'avez entendu comme moi, un discours qui essaye précisément de maintenir les valeurs de la politesse et de la bienséance. On sait aujourd'hui que le seul goût existe, et si l'on se dit encore qu'on s'aime, c'est bien moins parce qu'on le croit que parce que c'est une façon plus polie de se demander réciproquement ce dont on sent qu'on a besoin. Oui, je vois que vous avez là pris la formule clé de Clitande et de la grammaire et de la stylistique de Crébillon, hein, quand on étudie ces textes-là avec les étudiants. C'est génial parce que il faut déjà déplier toutes les propositions subordonnées, hein, et savoir à quoi elles se rapportent. Il y a un enchaînement de subordonnées incroyable qui permettent de dire les choses en s'approchant précautionneusement de la chose qu'on ne dit jamais directement. Et dans le texte qu'on a entendu, il y a quelque chose de capital et qui permet aussi d'un peu noyer le poisson des rapports de sexe, c'est le « on ». On. Alors « on », c'est vraiment le pronom piège par excellence. Qu'est-ce qu'il y a dans le « on » ? Est-ce que c'est la vox populi ? Est-ce que c'est l'opinion générale de la mondanité ? Est-ce que c'est les hommes en général ? Est-ce que c'est les hommes et les femmes ? Est-ce que c'est plus l'un que l'autre ? Le texte ne permet pas vraiment de trancher la question. Et bien sûr, il enveloppe ce « on » progressivement l'interlocutrice dans ses raies, c'est-à-dire dans un discours de la règle, finalement. Et ce discours de la règle, pourquoi est-ce qu'il est audible pour Cydalis ? Parce que il lui donne déjà des garanties, il n'y aura pas de traces. Cydalis, c'est la femme que Clitandre essaie de voilà, le... c'est ça. Séduire. Il n'y aura pas de traces. On se plaît, on se prend, on se quitte, on passe à quelqu'un d'autre, il n'en reste rien. Or, si on parle du lit, justement, ce lit dans lequel il faut aller se mettre, il faudra aussi qu'il ne porte aucune trace à la fin. Tout ça est sans conséquence. Alors évidemment, il faut convaincre que ça n'aura pas de conséquence. Il y a plein de choses à mettre en place pour ça. Il y a la suivante qu'il faut écarter de l'espace. Il faut rester tous les deux. Il faut pouvoir parler de plus en plus librement. Et d'ailleurs, par parler et par tenir une conversation et par s'entretenir avec, le texte entend toujours l'acte sexuel lui-même, bien sûr. C'est que tout est, à double sens, mais même triple sens dans le texte de Crébillon. C'est que chaque mot est employé non pas pour la signification qu'on lui attribue habituellement, mais pour l'utilisation qu'on peut en faire pour parvenir à ses fins. C'est ça. Il y a un continuum entre la langue de la politesse mondaine et l'action sexuelle érotique. Mais c'est bien que le but est-il vraiment de coucher ensemble à la fin ou bien de jouir en utilisant le langage ? Les deux, mon capitaine. Hein. C'est la structure même de La nuit et le moment, c'est une structure économique. Une structure de don et de contre-don. Tu me donnes une histoire, Je te donne une faveur. Racontez-nous un peu le texte, pour ceux qui l'ont pas en tête. Alors, le texte, c'est l'intrusion nocturne et assez abrupte de Clitandre dans la chambre de Cydalise. Elle n'est pas censée s'y attendre, mais en même temps, elle lui a fait donner au château la chambre qui est juste en face. Il y a tout un contexte qui permet de penser que c'est préparé et que c'est préparé aussi par elle. Donc ça, c'est, je dirais, la régulation narrative du consentement programmé de la femme. Après, à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et une fois qu'il est là, d'abord, il faut pouvoir le maintenir là sans que ce soit inconvenant. Donc, il va falloir qu'il travaille à rendre la scène qu'il a lui-même provoquée convenable, pour être audible à tous les sens qu'on va pouvoir donner au mot audible, bien sûr. Donc, une fois qu'il est là, il y a toute une stratégie de discours, une stratégie dilatoire, bien sûr, qui engage. Alors, votre question, elle est bonne, parce que ça engage aussi le plaisir de parler, comme tel. Évidemment, bien sûr. Le plaisir de différer aussi les choses, de faire monter un petit peu le désir. C'est l'excitation qui monte à mesure que l'acte semble s'éloigner. Bien entendu, mais là où le texte choisit une modalité perverse, c'est que Clitandre va être conduit, pour donner ce plaisir-là à Cydalise, à lui raconter différentes séductions par le passé avec des femmes qui sont toutes dans le château au même moment, mais qui sont réputées être elles-mêmes occupées au même moment avec leurs amants. C'est-à-dire que la scène qu'on lit, on peut considérer qu'elle est déjà reproduite en même temps dans d'autres pièces du château. Ce qu'on ne peut pas faire en littérature, c'est du montage parallèle, oui. Ou du split screen, ce serait assez amusant, où on verrait l'ensemble des pièces du château, où se déroulerait la même chose. Et le « on » veut dire ça aussi. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire là peut prendre l'apparence de quelque chose d'unique. On va pouvoir même y inscrire la fiction de l'amour et de la reconnaissance galante de l'amour et donner à cette aventure quelque chose d'exceptionnel. Mais la réalité, c'est que cette aventure, elle est prise dans une dynamique sérielle. Mais alors, où est la transgression dans ce cas? Si tout le monde fait pareil? La transgression, elle n'existe pas vraiment. Elle existe dans l'exploit qui consiste à donner l'apparence de l'exception à ce qui est la règle. C'est là qu'on n'est pas tout à fait dans la consistance philosophique que peut prendre le récit libertin chez d'autres auteurs, bien sûr. Oh bah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée chez Crébillon-Fils. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée chez Crébillon-Fils. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais elle ne va pas avoir cette vocation pour le lecteur à se mettre en prise directe sur des philosophèmes qui lui permettraient de voir explicitement le monde autrement que selon un certain nombre de codes, et notamment du point de vue de la question religieuse. C'est quand même pas un texte qui est aussi transgressif que d'autres dont il va être question ici. Bah précisément, quelle place tient Crébillon-Fils dans le panthéon des auteurs que vous aimez? Vous l'aimez particulièrement? Oui, je l'aime particulièrement. Je l'aime particulièrement pour sa langue, bien sûr. Sa langue? Ça marche. C'est ça le pire. Ça marche. Mais il faut pas se laisser complètement prendre par le piège. Et aujourd'hui, malheureusement, cette langue se fane un peu du fait qu'elle se met au service d'une conquête qu'on peut lire tout à fait autrement, qu'on peut lire depuis la zone grise du consentement. Et là, il y a des choses plus obscures dans le texte de Crébillon, dans les histoires insérées que nous raconte Clitandre et qu'il raconte à Cydalise, il y en a une qui est particulièrement terrible et c'est la dernière. Celle qui doit donc servir aussi de leçon, peut-être de conclusion morale pour Cydalise. Et c'est celle d'une séduction lente mais agressive d'une femme sur laquelle on fait une expérience qui consiste à voir si, bien que l'amour existe, c'est une femme qui est liée à un autre homme, on ne peut pas la faire jouir. Et si possible, dans un laps de temps très resserré, parce que l'exploit consiste aussi à aller vite et à saisir le moment. Et cette femme, Lucinde, va être violentée de fait. Et cette agressivité, elle est reconnue par le texte. Et elle fonctionne comme une forme d'avertissement, alors qu'on arrive au bout. Donc il y a là quelque chose de plus sombre. On peut lire aujourd'hui Crébillon de manière un petit peu moins sautillante, que je reconnais moi-même l'avoir fait. Et c'est très intéressant à des années de distance, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne à l'université, et je me souviens avec une forme d'effroi de la manière extrêmement légère avec laquelle je pouvais aborder ce texte avec des jeunes étudiantes, il y a de ça, 15-20 ans. Je ne pourrais plus le faire aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que c'est la fin d'une certaine littérature libertine ou que la littérature libertine serait compatible avec le consentement, justement, de part et d'autre? Ah non, mais on peut tout à fait étudier les textes en marquant cette compatibilité. Il y a des zones du texte qui le permettent. C'est bien parce que le texte reste complexe qu'il est toujours lisible. Heureusement pour nous. C'est les textes nuls qui peuvent pas s'en sortir dans le contexte d'aujourd'hui. Mais en revanche, Crébillon nous permet de marquer la complexité de cette question du consentement. C'est précieux de le lire pour ça. On change du tout au tout, je ne sais pas, on va dans un lit, on retrouvera peut-être Crébillon plus tard, parce que ça finit au lit justement, dans un lit où l'on va observer une femme en train de se masturber, oreille sensible, s'abstenir. Machinalement, je me plaçais dans la même attitude que celle où j'avais vu Eradis. Et machinalement encore, dans l'agitation qui me faisait mouvoir, je me coulais sur le ventre jusqu'à la colonne du pied de mon lit, laquelle, se trouvant passée entre mes jambes et mes cuisses, m'arrêta, et servit de point d'appui à la partie où je sentais une démangeaison inconcevable. Le coup qu'elle reçut par la colonne qui la fixa me causa une légère douleur qui me tira de ma rêverie sans diminuer l'excès de démangeaison. La position où j'étais exigeait que je levasse mon derrière pour tâcher d'en sortir. De ce mouvement que je fis en remontant et coulant ma moniche le long de la colonne, il résulta un frottement qui me causa un chatouillement extraordinaire. Je fis un second mouvement, puis un troisième, etc., qui eurent une augmentation de succès. Tout à coup, j'entrai dans un redoublement de fureur. Sans quitter la situation, sans faire aucune espèce de réflexion, je me mis à remuer le derrière avec une agilité incroyable, glissant toujours le long de la salutaire colonne. Bientôt, un excès de plaisir me transporta. Je perdis connaissance. Je me pâmai et m'endormis d'un profond sommeil. Ici, le lit est clairement un accessoire. Florence Lautry, un accessoire de masturbation féminine. Ah oui, bien sûr, c'est ça, c'est tout à fait ça. J'ai bien compris. Vous avez bien compris. C'est un peu le roux et combalusier de érotique. Hein. Et quand on entend ce texte, on voit qu'on a changé de registre, de genre de récit, et on voit que l'image est nécessaire. Parce que cette organisation mécanique a besoin de visuel quand même. Alors vos éditeurs, vos auditrices ne peuvent pas le voir, mais c'est un texte qui est évidemment très illustré. Il y a eu plusieurs campagnes d'illustration. Tous les textes érotiques et la plupart des romans de toute façon au XVIIIe siècle sont illustrés. Et dans les campagnes d'illustration de cette scène, qui est évidemment une des scènes centrales de ce roman, il y en a une en particulier. Alors, il y en a plusieurs. C'est très intéressant de voir ça aussi, peut-être, la gradation dans les campagnes, à mesure que le temps passe dans les rééditions, vers une interprétation de plus en plus agressive aussi de ce qui se passe. Hein, c'est un texte de 1748, d'abord. Qui porte mal son nom, ou bien son nom, en tout cas, qui n'indique pas qu'on va trouver ce genre de scène. Il s'appelle Thérèse philosophe. Oui, Thérèse philosophe. Bah si, là, elle est en train de devenir philosophe. Ah, elle est en train de découvrir son corps. Elle est en train de découvrir la vocation, la destination au plaisir, au bonheur que porte son propre corps, qui a longtemps été censuré. C'est pas la première scène de masturbation. Il y a aussi une gradation. Elle est aussi découverte à l'âge de 7 ans, endormie, en état de sommeil quasi paradoxal par sa mère en train de se masturber. Donc c'est une jeune fille dont le corps parle, d'abord malgré elle, à qui on lie les mains à l'âge de 7 ans pour arrêter ce genre de phénomène, et puis qui se retrouve sur une sollicitation qui est elle-même visuelle, puisqu'elle a assisté à une scène de pénétration, en état d'excitation sexuelle. Et l'excitation sexuelle a cette vocation de découverte de soi. Alors dans les campagnes d'illustration, vous avez parlé de masturbation et vous faites bien parce que c'est aussi un manuel de sexologie que ce roman-là, à l'attention des jeunes filles qui voudraient prendre du plaisir avec un homme sans les atteintes de la pénétration que constitue la grossesse, bien sûr, et les suites des grossesses. Donc comment on fait ? Alors il y a plusieurs techniques, il y a la masturbation toute seule, avec l'autre, puis il y a la pénétration par coït interrompu qui va arriver. Alors, cette scène, elle est très acrobatique, mais dans la première illustration, celle de 48, c'est vraiment le pied du lit. arrondie, et puis on voit le sexe féminin, c'est vraiment une masturbation clitoridienne, d'accord ? Et puis dans la campagne de 1782, alors là on est au cirque. C'est celle que vous avez sous les yeux ? C'est celle que j'ai sous les yeux, hein, et où on voit la jeune personne qui... Alors toute l'équipe derrière la vitre essaie de regarder l'image, vous pouvez leur montrer, les pauvres, et, absolument et les auditeurs, vous leur décrivez. Cette fois la colonne du lit est devenue vraiment le montant jusqu'au ciel de lit, et puis elle se coule là-dessus par une torsion quand même qui est pas évidente. Hein. Oui, il faut être très souple. Hein, il faut être extrêmement souple, et puis surtout on a le sentiment que cette colonne en question, elle la traverse de part en part. Hein, et que là, la question de la pénétration, elle est beaucoup plus violemment mise en scène, alors même que c'est un roman d'abord de l'effroi de la pénétration pour la jeune fille. Donc c'est quand même, là aussi, hein, on peut le lire de manière sérieuse, comme un roman qui donne le moyen aux femmes d'affirmer leur sexualité, mais qui, à mesure que le temps passe, peut être interprété aussi de plus en plus du point de vue de l'objet féminin, dont le spectacle même du plaisir est l'occasion pour l'illustrateur de manifester une possible agressivité. Hein. Moi, je suis assez troublée de voir que plus ça va, plus on va vers l'empalement quand même. Hein. Oui, l'empalement, voire la dérision, parce que là, si oui, on regarde rapidement, aussi un peu on dirait grotesque. Un poulet embroché, mais en oui, fait, tout si à on regarde fait, c'est de ça. Loin. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Elle pourrait tourner, en effet, autour d'un axe qui n'est pas tout à fait celui que décrit le texte. Ce qui ne correspond pas à la délicatesse de ce que nous avons entendu dans le texte. Non, ni à la délicatesse, ni d'ailleurs au sens du détail et à la minutie. Parce qu'il faut que la mécanique du corps soit rendue sensible au lecteur. C'est une approche progressive, articulée, et qui dit bien qu'il y a une recherche qui est en train de se faire. Le corps est en train de se vivre lui-même comme une machine à plaisir. Et c'est pas péjoratif. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a la nature qui est en train de parler et de s'articuler comme une forme de langage au profit de la jouissance qui endort. Alors, les scènes de lit après lesquelles on s'endort, c'est évidemment une sorte de topos. Hein, les meilleurs. Ah oui, bien sûr. Parlons présentement, mon enfant, de ces chatouillements excessifs que vous sentez souvent dans cette partie qui a frotté la colonne de votre lit. Ce sont des besoins de tempérament, aussi naturels que ceux de la faim et de la soif. Il ne faut ni les rechercher, ni les exciter. Mais dès que vous vous en sentirez vivement pressé, il n'y a nul inconvénient à vous servir de votre main, de votre doigt, pour soulager cette partie par le frottement qui lui est alors nécessaire. Au reste, comme ceci, je vous le répète, est un besoin que les lois immuables de la nature excitent en nous, c'est aussi des mains de la nature que nous tenons le remède, que je vous indique pour soulager ce besoin. Or, comme nous sommes assurés que la loi naturelle est d'institution divine, comment oserions-nous craindre d'offenser Dieu en soulageant nos besoins par des moyens qu'il a mis dans nous, qui sont son ouvrage, surtout lorsque ces moyens ne troublent point l'ordre établi dans la société ? Sur France Culture, les chemins de la philosophie, cette déculpabilisation de la masturbation se trouve dans le texte Thérèse philosophe 1748 et elle est formulée par un abbé, Florence Lautry. Mais oui, bien sûr. L'abbé T, on ne connaît pas vraiment son nom. Non, évidemment, les astéronymes sont légion dans les textes libertins. Cet abbé est naturaliste, il est presque spinoziste, hein. Faut le dire. Il en appelle à la loi divine, mais bien sûr, cette loi divine se confond tellement avec la loi naturelle qu'on n'a quasiment plus besoin de Dieu. C'est en cela qu'il est spinoziste. Hein, voilà. La Dieu est la nature et la nature est Dieu. En revanche, la leçon qu'il procure à Thérèse, et qui est d'abord un commentaire de ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire une manière de mettre des mots sur une chose qui n'est pas complètement identifiée, est un commentaire prudent. Il ne faut ni les rechercher, ni les exciter, est-il dit de ses plaisirs, c'est-à-dire qu'ils sont bons et légitimes à partir du moment où ils viennent spontanément. Où ils sont naturels. Si vous les excitez de vous-même, si vous les recherchez de vous-même, vous tombez dans le libertinage. Vous n'êtes plus du côté de la bonne nature, mais du côté de la débauche. Donc c'est un texte qui, de ce point de vue-là, rétablit les justes limites qui sont celles aussi du code social et qu'on trouve chez Diderot. Hein, on vous rappeliez en off que le texte avait pu être attribué à Diderot. Bah, dans le rêve de D'Alembert, on a aussi une déculpabilisation célèbre de la masturbation, où le médecin dit bien aussi « Attention, il faut prêter la main à la nature. Prêter la main à la nature, mais ne jamais la forcer. » Mais cet argument de la nature comme norme, on le retrouve, me semble-t-il, dans tous les textes libertins. Sade ne dit pas autre chose lorsqu'il justifie même le crime. Il dit « Mais la nature tue. Pourquoi moi-même, émanant de la nature, ne pourrais-je pas tuer aussi mon prochain ? Le crime lui-même n'est pas le mal, il est naturel. » Oui, bien sûr, la nature sert à beaucoup de choses et elle prend une extension considérable chez Sade. Il lui fait dire en effet beaucoup de choses. Mais vous avez parlé de déculpabilisation, c'est ça bien sûr. Il s'agit pour le coup de s'écarter de la norme religieuse et des interdits qui pèsent sur le corps et la sexualité dans le cadre religieux. Mais comment ces textes sont-ils reçus dans la société de la moitié du XVIIIe siècle ? Ils sont-ils publiés ou ils sont passés sous le manteau ? Qui les lit ? Ah non, mais ils sont publiés, ils sont diffusés très largement. Alors il y a toute une histoire de la publication de Thérèse Philosophe. C'est l'histoire éternelle des ballots de livres clandestins qui arrivent de l'étranger ou bien qui sont publiés dans des presses clandestines parisiennes. En l'espèce, il y aura pas mal de saisies, il y a des descentes de police, mais ça se diffuse énormément. Ça rapporte énormément d'argent aux libraires parce que c'est très lu. Bien sûr, ça tient dans la poche. Et que font l'Église et la police ? La police fait des descentes, comme d'habitude, mais bien sûr, elle ne peut pas complètement endiguer le flot. Il faut que les instances de police et de censure jouent leur rôle. Mais jouer son rôle, ça veut dire censurer officiellement. Ça ne veut pas dire intervenir à tout moment et en tout lieu et en tout point. Il y a même une forme de tolérance sur certains textes. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont des textes qui sont très connus. Et Thérèse Philosophe fait partie des best-sellers du XVIIIe siècle, incontestablement. Alors qu'on ne sait pas qui l'a écrit. Alors qu'on n'est pas sûr de qui l'a écrit, même si l'attribution à Boyer d'Argent, c'est relativement plausible. Parce qu'on pourrait croire que ce texte a été écrit par une femme, tellement la description du plaisir féminin est précise. Écrit par une femme, disons que la bienveillance du texte à l'égard du plaisir féminin et des conditions auxquelles le plaisir féminin peut avoir lieu sans violence est une bienveillance qui n'est pas toujours aussi caractérisée, ça c'est vrai. De là à dire que ça aurait pu être écrit par une femme, je ne m'avancerai pas. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce serait presque... Non mais ça m'intéresse, pour quelles seraient les raisons ? Ma foi, ce serait presque souhaitable, mais la fin du texte. La fin du texte, qui est un retour à l'ordre. C'est l'entrée dans l'hétérosexualité réglée. Alors évidemment, une hétérosexualité, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait de l'homosexualité pour qu'une femme l'ait écrit, mais disons que c'est l'entrée dans un ordre qui n'est pas conjugale, parce que c'est une union libre, fondée sur le respect mutuel et fondée, bien sûr, sur l'absence de grossesse. C'est contractualisé avec ce comte qui est son dernier initiateur, mais qui est son seigneur et maître, malgré tout. Et qui, pour parvenir à ses fins, disons, passe par certaines ruses classiques, dont celle qui consiste à l'enfermer pendant quelques temps avec des gravures et des livres érotiques jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment en condition pour passer aux travaux pratiques et entrer finalement dans une union qui est assez surprenante parce que Thérèse, socialement, elle sort quand même, disons, d'une petite bourgeoisie et puis elle se retrouve au château avec le comte. Voilà, Thérèse mène la vie de château. C'est pas mal, bien sûr. C'est pas mal. Son initiation est restée quand même relativement réglée dans une trajectoire qui est assez classique dans les romans du temps. Alors, ça s'écarte pas tellement des scénarios des romans du temps. Eh bien, y a-t-il des romans du temps, comme vous dites, qui montrent l'inverse, qui montrent un texte qui ferait l'initiation d'un homme et non pas d'une femme, où la femme dominerait et l'homme serait soumis ? Je laisse de côté les liaisons dangereuses, qui est encore un cas à part, parce qu'on ne peut pas parler de soumission, on ne peut pas dire non plus que ce soit la femme qui l'emporte. Est-ce que ça existe à cette époque ? Alors écoutez, je ne sais pas déjà s'il faut absolument retourner complètement la question comme ça. C'est pas sûr qu'on s'en sorte dans les rapports de sexe si on... C'était pas mon intention. Ma question ne portait pas sur la cité idéale et le rapport idéal entre l'homme et la femme. Oui. Dans cette littérature-là, est-ce que parfois la femme domine et c'est elle qui initie l'homme? Oui, bien sûr, ça arrive. Il y a des très jolis textes, d'ailleurs, de ce point de vue-là. On peut lire avec plaisir Les Amours du Chevalier de Faublas, Les Aventures du Chevalier de Faublas, qui sont plutôt à la fin du siècle, 1680, autour de 89-90. Ça reprend finalement toute la tradition libertine du siècle, c'est une sorte de compendium, c'est un très long texte en trois parties, le compendium du récit libertin du 18e, et puis c'est un jeune homme finalement ni complètement libertin, ni complètement hérosensible, un petit peu des deux, il y a un petit peu de Rousseau là-dedans, et puis il y a un petit peu de Crébillon, il y a un petit peu de Laclos, mais pas trop. Et puis, en effet, il traverse dans son initiation des rencontres avec des femmes qui peuvent être plus dans la position des initiatrices. Il y a plusieurs scénarios de rapport au féminin dans ce texte-là, il y en a d'autres bien sûr. Je m'approchais du lit de Théophée avec un redoublement de crainte, comme si j'eusse touché à des éclaircissements qui emportaient la dernière conviction. J'observais jusqu'aux moindres circonstances la figure du lit, l'état des draps et des couvertures. J'allais jusqu'à mesurer la place qui suffisait à Théophée et à chercher si rien ne paraissait foulé hors des bornes que je donnais à sa taille. Je n'aurais pu m'y tromper. Et quoique je fisse réflexion que dans une grande chaleur elle pouvait s'être agitée pendant le sommeil, il me semblait que rien n'était capable de me faire méconnaître ses traces. Cette étude, qui dura longtemps, produisit un effet que j'étais fort éloignée de prévoir. N'ayant rien découvert qui n'eût servi par degrés à me rendre plus tranquille, la vue du lieu où ma chère Théophée venait de reposer, sa forme que j'y voyais imprimée, un reste de chaleur que j'y trouvais encore, les esprits qui s'étaient exhalés d'elle par une douce transpiration m'attendrirent jusqu'à me faire baiser 1000 fois tous les endroits qu'elle avait touchés. Fatiguée comme j'étais d'avoir veillé toute la nuit, je m'oubliais si entièrement dans cette agréable occupation que le sommeil s'étant emparé de mes sens, je demeurais profondément endormie dans la place même qu'elle avait occupée. T'es jaloux ? Non, je ne suis pas jaloux. Tu l'es. Mais pas du tout. Non, je ne suis pas jaloux, Teresa. Il est jaloux. Non, il n'est pas jaloux. Qui ça, il est jaloux. Il est jaloux. Je ne suis pas jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux. Très bien, il mais est ce que jaloux. Tu me dis, il est jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je vais... Tu l'es, tu l'es. Si tu es jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je tu suis pas jaloux. Jaloux. Non, pas du tout. Pas du tout. Jaloux. C'est tu l'es. Tu je es jaloux. Si, lâche-moi. Non, te lâcherai pas, t'es jaloux. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Juliette Binoche dans L'insoutenable légèreté de l'être, le film adapté donc du roman de Kundera, pour venir illustrer ce texte qui se termine avec un sommeil profond. Vous disiez, Florence Lautry, combien le sommeil profond est parfois le signe d'un plaisir intense. On peut aussi s'endormir d'épuisement et de jalousie, c'est le sujet de ce texte. Mais oui, bien sûr, c'est tout à fait le sujet de ce texte, c'est le sujet de tout le roman. Alors qu'il a aussi porté un nom pas très érotique. Histoire d'une Grecque moderne, non, et bien sûr, a priori pas tellement, bien que ça fascine vers l'Orient et que ça fascine vers la question du sérail. Au sérail, on a un grand roman de la jalousie, c'est les lettres persanes. Et dans les lettres persanes, cette jalousie s'exerce chez celui qui est possesseur de la pluralité des femmes. Toutes les femmes sont susceptibles d'être des dangers pour le jaloux. Alors que là, dans l'histoire de la Grèce moderne, c'est un homme qui a construit un sérail à pièce unique. Il a retiré cette jeune personne qui s'appelle Théophée, enfin qui prend le nom de Théophée en sortant du sérail. Il la retire d'un sérail et il la met sous sa coupe exactement, presque exactement comme plus tard le narrateur proustien le fera d'Albertine. Il y a vraiment... On y pense d'ailleurs beaucoup en entendant ce texte. On pense beaucoup en entendant ce texte et en lisant tout le roman à la prisonnière, bien sûr, et il est probable que Proust lui-même y ait pensé. Alors, le lit ici, c'est pas un accessoire incitatif comme dans le texte qu'on a entendu précédemment de Thérèse Philosophe. C'est pas non plus un objet stratégique de conquête, comme chez Crébillon. Ça va plutôt être le lieu où l'on s'abîme, au contraire, dans une recherche obsessionnelle de la trace. Et pour le coup, le lit se dramatise extraordinairement, hein, c'est un substitut de la personne. On se met à la place de l'absente, on est vraiment dans la question du désir comme manque. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le contexte libertin. Alors même que le personnage principal est un vieux libertin, mais qui se confronte à une jeune personne dont il faut maintenir aussi la vertu. C'est tout l'enjeu dramatique du texte, maintenir la vertu de quelqu'un qui est sorti d'un sérail, qui sort de nulle part, et qui ne doit pas retourner à son statut d'objet sexuel. Donc il y a, c'est un grand roman de la frustration, parce qu'il y a ce désir, et en même temps il sait qu'en y cédant, il va aussi de nouveau la salir. D'où aussi le caractère tragique, enfin de ce, je sais même pas pathétique, c'est vraiment tragique de lire cette scène dans laquelle il cherche à redécouvrir, à redécouper un corps qu'il ne peut pas étreindre, jusqu'à, alors c'est une enquête judiciaire, hein, jusqu'à, c'est vraiment ça, c'est presque un paradigme indiciaire, c'est retrouver les traces d'une fidélité qui échappe sans cesse. On est à revers complètement de la relation libertine, dans ce qu'elle comporte au contraire de capacité à s'affranchir de l'obsession, de capacité à s'affranchir de l'unité obsédante de l'amour. Donc il n'y a pas d'amour dans la littérature libertine ? Si, c'est une défaite ? L'amour est une défaite, l'amour est surtout une aliénation. C'est tout droit sorti du chant 4 de la nature de Lucrèce, hein, et de cet extraordinaire portrait de l'obsédé amoureux. Pourquoi faut-il qu'il n'y en ait qu'une ? Tu vas te rendre malade. Il faut bien sûr, il faut pluraliser les femmes pour sortir de l'obsession amoureuse, qui est aussi une obsession de propriétaire. D'où la question du sérail, bien sûr. Et la grande erreur finalement de ce personnage, c'est que tout en étant amoureux, il maintient la structure du sérail. Donc il ne peut pas sortir de cette question-là. Il reconvoque le sérail, il repluralise ce personnage de Théophée, qui est toujours une femme différente. Comme s'il devait poursuivre une ombre qui ne revient jamais vers lui. Et de même que Ouzbek, dans les lettres persanes, voit des ombres partout autour de ce sérail. Mais qu'on ait toutes les femmes qu'on veut, c'est-à-dire trop, dans les lettres persanes, ou une seule qui ne veut pas céder, c'est finalement la même chose. C'est la même aliénation. Une seule solution dans ces cas-là, retourner à Crébillon et au discours de Clitandre. Le libertinage a du bon. Le discours de Clitandre se veut aussi un antidote à ça. Pourquoi s'encombrer de la question de l'amour si c'est pour entrer dans l'obsession de l'unique ? Oui, mais c'est pas comme si on avait le choix. Ah, ben non. Pour les personnages, on ne choisit pas d'être amoureux ou pas. On ne choisit pas d'être volage ou pas, d'être libertin ou pas. Non, mais bien sûr. Mais là, on parle de littérature très concertée, et surtout d'une littérature de discours, de paroles avec Crébillon, où il s'agit de poser comme la convention initiale que l'amour est une aliénation. C'est ça. Et qu'on peut s'en affranchir. Bien sûr. Que la raison, c'est quand même la puissance de la raison aussi, qui est vecteur de liberté. Oui, c'est la raison. Vous avez raison. Et la raison éclaire tout. Et si elle éclaire tout, elle laisse pas de zone d'ombre qui serait celle de la spontanéité ou la surprise de l'amour. Ça, il y a d'autres romans qui nous parlent de ça, de la surprise de l'amour ou des pièces de théâtre. C'est le titre d'une pièce de Marivaux. Voilà. Hein, si on veut rentrer là-dedans, la vraie surprise de l'amour, c'est plutôt La vie de Marianne ou Manon Lescaut. Là, bien sûr, vous avez des romanciers qui vous mettent face à quelque chose qui n'était vraiment pas prévisible, qui n'est pas attendu, qui fait s'ébouler littéralement l'individu, qui lui découvre la différence des sexes en même temps que cette première illumination, et qui est une forme de catastrophe, mais de catastrophe productrice d'une identité absolument neuve pour les héros romanesques. Mais on est dans d'autres, dans une autre littérature. Une littérature où on n'éclaire pas tout et où, par exemple, contrairement à ce qui se passe dans La nuit et le moment, comme dit si bien Clitandre, à propos d'une de ses conquêtes, elle voulait éteindre la lumière et fermer les rideaux de lit pour cacher sa honte. C'était un caprice, je ne les aime pas. Les chandelles restèrent allumées et les rideaux ouverts. La nuit, chez Crébillon, c'est pas une nuit amoureuse, précisément parce qu'elle est éclairée de part en part. Chacun doit comprendre et savoir exactement ce qu'il fait. On va retrouver Clitandre et Cydalise pour terminer cette émission. Florence Lautry, la nuit a passé et il est 6h du matin. Déjà 6h. Je ne me lève ordinairement qu'à 10. Et je doute que ce soit avec vous que j'apprenne à devenir plus matineux. D'ailleurs, vous sentez bien que je ne saurais vous quitter sans vous avoir encore bien rassuré. Et moi, je vous proteste que je sonnerais plutôt Justine que de souffrir que vous me tourmentiez davantage. Oh, cela serait beau, non, rester couché. Et mon lit, vous m'avez promis de le refaire. Oui, madame. Ah, je vous jure que votre Justine, toute fameuse qu'elle est, ne fait pas un lit mieux que moi. Hélas, tant mieux. Je n'ai jamais plus besoin d'être bien couchée. Ah, c'est-à-dire qu'on ne pourra vous faire sa cour que peu tard? Oh, très tard, en effet. Cela est malheureux. Bien, madame, que dites-vous de votre lit? Que jamais il ne m'a paru mieux fait. Je suis bien surprise de vous trouver ce talent. Oh, il ne vous paraît peut-être rien, mais je vous jure que jusqu'à un certain âge, il y en a peu de si nécessaires que celui-là. Vous avez beau le vanter. Je vous jure que je ne vous en estime pas davantage. Oh, taisez-vous, vous m'avez insulté. Eh bien, je veux pousser l'injure jusqu'au bout. Je ne vous crains pas. Oh, Cydalise, je trouve, si vous me permettez de vous le dire, plus de courage que de prudence dans ce que vous me dites là. Mais ne serait-ce pas pour avoir le plaisir d'être vaincue que vous me défieriez? Non, pas absolument. Mais serait-il bien vrai que ma sécurité fût si déplacée? Je ne comprends pas. Me faites-vous injure? Me rendez-vous justice? Quel doute! Il me tourmente trop pour me le laisser. Oh, Clitandre, vous êtes réellement insupportable. Un lit qui était le mieux fait du monde. Et donc, il a réussi, il a gagné, ce Clitandre, Florence Lautry. Oui. Il a réussi en tout cas à consommer son plaisir. Donc ici, Clitandre, c'est Francis Huster, plusieurs fois, ce que ne nous dit pas cet extrait. Cydalise, interprétée par Catherine Salvia, toujours dans la mise en scène de Jean-Louis Tamin de 1978. Pourquoi, on dirait que cette fin était écrite pour l'émission, hein, puisque quand même le sujet de la semaine, c'est le lit. Pourquoi cette obsession du lit bien fait? Ben parce qu'il faut pas que il faut pas laisser de traces de ce qui s'est fait, de ce qui a été bien fait. La situation est consommée jusqu'au bout et ça veut dire qu'on s'en va aussi poliment. C'est l'apparence en fait. Oui, c'est l'apparence. C'est inquiétant aussi hein, parce que ce que l'extrait ne dit pas, c'est que ce talent de refaire les lits est aussi quelque chose qui tourmente Cydalise. Parce que ça veut dire qu'il y a derrière ça, de nouveau, la reconvocation de toute la série des femmes dont on refait les lits après les avoir... Voilà, une longue pratique, de même qu'il est capable de fermer et d'ouvrir des portes sans que ça crisse. Il est capable de se déplacer avec toute la fluidité du sylphe. Autrement dit, il est d'une mobilité physique qui peut mal augurer de sa fidélité amoureuse. Donc ça, c'est évidemment une question. Et puis, s'il y a une telle insistance, c'est aussi parce qu'il y a une relance. Il va bien falloir finir. Hein. Les textes de Crébillon ont toujours un petit problème avec ça. Il faut quand même finir. Ce qui est une manière de dire que ça ne finit jamais parce que c'est un éternel recommencement. Mais avant de finir, il faut pouvoir dire une dernière fois à quel point ça peut recommencer. Donc là, dans l'extrait qu'on a entendu, Clitandre lui donne encore des preuves actuelles, comme dit si bien cette langue gazée, de sa virilité. Et bien sûr, il y a un petit défi. Hein. Il faut refaire le lit, mais en même temps, est-ce que c'est déjà le moment de refaire le lit ou est-ce qu'on ne va pas le défaire une petite dernière fois pour la route? allez, on y va pour une dernière fois. Donc c'est à la fois une manière de clôturer, de rappeler qu'on se plaît, on se prend, on se quitte et il n'y a pas de trace, mais aussi de relancer et de revenir au début du texte, d'une certaine manière. C'est un texte circulaire qui joue la circularité précisément parce que tout est dans la répétition, mais avec des variations. D'où le fait qu'il peut y avoir plusieurs histoires, qu'il y a plusieurs Cydalise, qu'il y a Lucinde, qu'il y a Julie, etc. Comme nos auditeurs qui nous écoutent au lit, qui peuvent aussi réécouter l'émission depuis le début, si ils le souhaitent. Quelle transition extraordinaire. Merci à vous, en tout cas Florence Letrit, d'être venue nous parler de ce texte ce matin. On se quitte en chanson. Quelle chanson plus évidente que La Libertine, Mylène Farmer. Sur les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Bien en phase avec le sujet du jour, vous nous parlez de bananes. Oui, mais pas de n'importe quelle banane. Une banane faite œuvre, une banane vendue à 120 000 dollars, scotchée grossièrement à un mur, puis photographiée, filmée et enfin mangée lors d'une performance inopinée. Cette banane, appelée comédienne, c'est le fait de l'artiste italien Maurizio Cattelan, déjà connu pour ses œuvres comme des toilettes en or massif de 18 carats ou une sculpture du pape Jean-Paul II terrassée par une météorite. Et sa banane, eh bien, elle est désormais une œuvre de plus à ajouter à la liste des affaires de l'art contemporain. Affaire qui ponctue l'actualité des médias à peu près tous les 6 mois environ. Et comme d'habitude, une telle affaire réactive sans jamais l'apaiser, la fameuse querelle philosophique de l'art contemporain. À Miami ce week-end, la banane à 120 000 dollars a trouvé 3 acheteurs. Et finalement, un amateur. Un artiste américain bien décidé à avoir lui aussi son quart d'heure de célébrité. Il a donc décroché le fruit scotché au mur et l'a mangé en donnant le titre de la performance « Hungry Artist », soit « Artiste ayant faim ». Tout portable dehors, les riches collectionneurs qui se pressent tous les ans à la foire Miami Art Basel en Floride n'en ont pas perdu une miette. De quoi enrichir des milliers de comptes Instagram. Depuis le temps, on connaît la chanson et les mots d'oiseau accolés à l'art contemporain. Puéril, indécent, absurde, snob ou sans substance. Rappeler les critiques de l'art contemporain, même si c'est une affaire passionnante, a quelque chose à force, il faut le dire, de lassant. D'autant qu'on a l'impression que quoi qu'il se passe, il y aura toujours 2 camps, les partisans et les détracteurs. 2 camps bien distincts, bien opposés, incapables malgré leurs débats ou les œuvres en jeu de changer d'avis. La querelle de l'art contemporain, c'est un peu un dialogue de sourds, ou carrément un dialogue de sourds. Alors autant le dire tout de suite, pour éviter toute ambiguïté, je me situe parmi les partisans de l'art contemporain. Chaque polémique autour d'une œuvre contemporaine me réjouit d'emblée. J'aime regarder l'œuvre, voir les réactions qu'elle suscite et la défendre ardemment, quelle qu'elle soit, et sans même la comprendre d'ailleurs. J'entends pourtant les arguments du camp adverse, je suis même souvent d'accord avec eux. Mais voilà, l'art contemporain, ça marche sur moi. pourquoi. Pourquoi ça marche sur moi et pas sur d'autres? Pourquoi je trouve ça super d'exposer une banane, qu'elle soit achetée à 120 000 dollars et mangée, et tout ça pourtant sans être aveugle sur l'absurdité de ce geste? Pourquoi suis-je en paix avec l'art contemporain alors qu'il suscite en moi un tel désaccord? Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nue sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Ce qui m'intéresse dans ce désaccord intérieur, dans mon amour pour la mocheté des tulipes de Jeff Koons ou la banane idiote de Catalan, ce n'est pas l'opposition entre l'universalité du jugement esthétique et l'individualité des goûts personnels, ce n'est pas non plus le débat technique sur les qualités des œuvres et encore moins la thèse sociologique qui consiste à dire que ça marche sur moi car j'aurai une idée de ce qu'est le monde de l'art, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout le cas. Non, ce qui m'intéresse, c'est que je suis d'accord intellectuellement pour trouver ça ridicule, puéril ou snob, et que malgré cela, et oui, je trouve ça génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se joue en moi une dissociation essentielle entre la tête et le cœur? Est-ce que par un effet retorse, pervers, me plaît ce qui fait débat, ce qui pose problème? Ou enfin, faut-il ne rien voir là-dedans de spécial, si ce n'est une incohérence personnelle? Ce sont là de vraies questions qui ne concernent pas que moi. D'ailleurs, je crois qu'elles concernent en fait tous les amateurs d'art contemporain. Ceux-là ne sont pas si naïfs qu'ils ne voient pas l'absurdité d'une banane accrochée. Ils ne sont pas aussi cyniques qu'ils ne voient pas celle à payer 120 000 dollars un fruit qui n'en coûte que quelques-uns, ou celle à dénoncer le marché de l'art tout en profitant. Mais si, en fait, c'était ça qui plaisait, l'absurdité, l'absence de morale, de règles, de liens, de logique et même d'idées. Moi, je suis un provincial, j'imagine très bien, excusez-moi, les gens de toute la France qui vont s'asseoir devant leur télé en sortant soit de leur boulot, de l'usine, etc., et qui ont une certaine idée de l'art. Et quelle idée ils ont de l'art? Est-ce qu'ils ont une idée de l'art de ce qui est ici? Est-ce que ça peut les atteindre n'importe comment? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas me dire que vous faites de l'art populaire, je ne sais pas qui vous êtes. Je vous n'allez pas dire que tout ce qui est ici est à la portée de Monsieur Dupont qui rentre de l'usine? Ça va le faire marrer au moins mon truc, c'est déjà bien, après une journée de travail. Dans cette archive de 1977, en pleine fiac, l'artiste Orlan défend ses baisers vendus 5 francs pièce face à un visiteur critique qui se fait le porte-parole, on l'a entendu, des gens ayant une certaine idée de l'art. L'art contemporain ne correspondrait pas à cette idée, à ce qu'on attend de l'art. Mais l'art contemporain, je pose la question, a-t-il vraiment une idée de l'art? Peut-être même n'a-t-il pas d'idée, au sens de pensée logique, justifiée, argumentée, peut-être est-ce même l'inverse, et peut-être est-ce ça qui me plaît, cette désapprobation du rôle logique de la raison ou de la morale. Voilà, je crois, pourquoi on peut aimer l'art contemporain et le critiquer avec sa tête. On peut être en paix avec la querelle de l'art contemporain. Si j'aime cette banane faite œuvre, c'est parce qu'elle n'a aucun sens et qu'elle détruit précisément toute idée d'une idée de l'art. Ce qui doit être bien insupportable pour tous ces querelleurs de l'art contemporain, plus amoureux de l'idée d'un art inexistant que des œuvres bien réelles. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Selle, en compagnie de Jules Barbier, d'Isis Jourda, de Géraldine Mosna-Savoie, d'Anaïs Isbert, de Thomas Beau, qui réalise cette semaine. À la prise au son aujourd'hui, c'était Adèle Caglar. À la lecture des textes, Maëlys Ricordo. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le lit. Demain, nous serons en compagnie de la romancière Claire Berest, qui viendra vous parler de Frida Kahlo, cette magicienne clouée au lit. Ce sera demain ça, à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le lit des libertins en vous rendant sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, où vous pouvez réécouter chaque émission en ligne et où vous pouvez aussi les télécharger, les podcaster, pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, où nous attendons vos remarques, vos commentaires et plus si affinité. On se retrouve demain donc, même heure, même lieu, même endroit. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Thank you.